Bolingo komi singa la goma, sina oki pete pema, kwe pa elegance zali na koma. Bolingo motema, na koti pe bazamba, na mati pe bangomba. Suka suko lo vini elegance, me ya tona continue kose la. Élégance, c'est un mouchoir. J'aime au pessard, mais nous la vocation. Ma coma qu'on prêche. La bonne parole. Élégance, tu n'es là, la tana WhatsApp. Sourire, ma yo, y'a ton nom, y'a l'élo. Sauf que mon seul métier n'a plus rien pour croire. Suka suko lo vini mi bebe, aya kona continue cause la yo. Amina dama pesa bango ma vocation. Ma 3h du matin dans mon pognon qui m'attend. Nako mako fouye téléphone na mon ata appelle mon cœur. Suki kama mo sous les dans son cou et na mon bebe. Bonjour, mon fruit de mer, je t'aime. Élégance, c'est ça que j'aime. Oh, élégance, mon choix est. Mais bon, à qui n'est une autre bonne bonne en élégance? Petit, ça pombe, oui, à Roméo, oui, à Juliette. Bon, il y a un beau camou, bim, bah, il fait ça, longonia. Y'a des sebons là qui me filent dans la langue. Je me dis qu'à lui si tu as les bons. Bolingo et moti ma kapou. Panapoye de la dama bala. On a causé l'élégance. Nicolele qui koutou basanza pe bamboula. Yo zonga katenga wali kome baline nzoto. Sousi ne bile bianga kobanda moi. Boutoupi. Tuyo la tisanga ibe bomwana. Filia bolingo. Jalo moku ye mimi bututu okatia nzoto. Nakuma kubanga na yoko kusavaye. Kaka pange tumbu babengi kombo bolingo. Yaka omo na ndenge bolingo ezo sala jenosi. Matini peba mesaje bazo ni maboko pambe. Kombo nwe kinga minga lole mune tisoye. Diagnostic aboko nuzui na tous elegance. Tsunga ma communicant. Nazanye ter basile. Maleli lele. Elegance elega. Oh oh oh. Para masama jazani nyangai makango. Oh oh oh. Zala kimbuka elegance. Talinga ki change nationalité. Talinga ki change ki passe pas. Nakomanda y elegance. Nakomanda y elegance. Et me soumettre à tes lois. Ça va de soi. Elegance qui t'a créé. Elegance qui te croit avec accident. Et comme y'a ce panandela, andela, l'okola l'osso n'a moutou y'a porteur. Pas si rouillou, bas un problème y'a beauté. Bah l'okko tabami, pas kola nan zoto. Pas koma belle, belle, belle, belle. Élégance zamba salaki yoye. Na l'oro yo na paradis agitation. De ma quelle le nom souhait si la qui est. A sa la qui au mal, j'aime, mal, j'aime. à la dino, futur bas diamantaire. Tango bas à la caille, certifié à diamant. Souci naïe, polima parfaite. L'élo sur terre, motonion, sois convaincu. Perfection, il y a domaine privé, yann zambé. Élégance, sa produit à perfection, yann zambé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tanginga, botikanga, yina, yamuma. Adam, alia, qui simple, pomme, ya, eva. Pour un paradis, ou élégance, sans à la quitter. Arata, mon gouston. Arata sucre, yamila et sobe. Arata maracuja. Arata maïa, pondoa maï maï. Arata mousselou, yo ya dongo dongo. Arata bizarro, yo ya pamplemousse. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quand tu es confiant, faut goûter la bouton. Pas au la yo ya. Au soleil, je rime à passe à la bénéfice, ma concurrence me rappelle ma Google. L'élégance, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. L'élégance, comme il s'en va ta bureau, non. Petit à confiance, oh, y'a signé la caillosse. Maman, secours, l'élégance, ce qu'il y a ta lingua. Dans un accord, mon amour, cœur, comme un canal, Baba nounou, n'a de tartine, n'a pas au chocolat, n'a pas de table. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Élégance, élégance, n'y en a vous. Mon amour, mon solange, aux lèvres roses, fuchsia. Naya, wana, noté, mal, amour est toujours en cours. Ton amour, élégance, dans mon cœur pour toujours. Ton amour élégance, il n'y aura jamais de dernier jour. Pour ton amour élégance, je ferai toujours demi-tour. Le plus aucun d'élégance, le coup mal à l'intérieur. La paix si comme on a eu, on a chaque fleur et un jardin. La rose de la pétunia, bah orchidée, bah jasmin. Yeah, yeah, yeah. Yo t'y caca, aussi, car je t'aime. Moi je t'aime quoi. Yoti kaka koyo inga je t'aime. Yoti kaka leli sanga je t'aime. Yoti kaka ko trompinga je t'aime. Yoti kaka besa mala je t'aime. Yoti kaka kosika je t'aime. Yoti kaka trompinga.